Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ? Le commerce des livres avant la Révolution. Et le roi Louis XVI n'aime pas vivre en société. Il préfère de beaucoup se trouver dans sa bibliothèque. Il lit plusieurs heures par jour. Il y a 5000 volumes dans sa bibliothèque. Et il les a tous lus. Il lit l'anglais aussi bien que le français. Le roi a-t-il lu l'encyclopédie ? Mais assurément. Qui n'a pas lu de nos jours l'encyclopédie ? Bon, on exagère peut-être les mérites de Louis XVI. En tout cas, l'esprit des Lumières pénétrait jusque dans son cabinet et jusque dans la bibliothèque des grands administrateurs du royaume. Qui n'a pas lu l'encyclopédie, disait-on volontiers dans l'aristocratie. Il faut observer tout de même que les éditions in quarto de l'encyclopédie, de la seconde moitié du XVIIIe siècle, nécessitèrent 36 volumes et que pour les éditeurs qui se disputaient l'impression, comme pour les acheteurs, c'était un investissement lourd, exceptionnel. La question serait plutôt de savoir comment circulaient les livres plus courants. L'attention est toujours fixée sur Paris et sur Versailles, qui régentent de près l'industrie du livre. On sait mal comment se déroule l'approvisionnement et les ventes dans les villes, les grandes mais aussi les petites. En réalité, elles se sont largement autonomisées par rapport à la capitale. Les livres leur parviennent très souvent par l'étranger, grâce à une manière de croissant fertile qui s'est constituée à l'est du pays. Il va des Pays-Bas à la Suisse, en passant par la Rhénanie, sans compter Avignon, qui tire longtemps parti de son statut d'enclave pontificale. En général, les ouvrages ne sont pas reliés quand ils voyagent, à pied, à cheval, en voiture. Ce ne sont pas nécessairement des livres prohibés, mais tout simplement des livres piratés qui échappent aux contraintes des structures étatiques et corporatives de Paris. Par capillarité pénètrent ainsi les livres interdits comme les ouvrages tranquilles, les protestants comme les catholiques, les textes scabreux comme les romans sentimentaux, les productions de la dernière génération des Lumières comme les chefs-d'œuvre de Voltaire et de Jean-Jacques. Le long-seller absolu de ces années-là imagine d'ailleurs une société utopique alignée sur les principes de Rousseau. C'est 2440 de Louis-Sébastien Mercier. Comment donc une industrie, dont le but est d'abord l'argent, apporte-t-elle des livres aux lecteurs quand une telle liberté semblerait impossible ? La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Question que se pose depuis des décennies Robert Danton, bonjour. Bonjour. Grand professeur à Harvard, à la fin de votre carrière, vous avez dirigé la bibliothèque de Harvard et vous publiez un livre doublé d'un site très riche sur le monde du livre avant la Révolution, un tour de France littéraire. On verra en quoi c'est un tour de France dans un instant. C'est évidemment, comme d'habitude, pour vous, chez Gallimard. Alors, vous vous intéressez plus à la province qu'à Paris. Paris est très surveillés. Les villes, moins. Enfin, il y a des chambres syndicales des libraires dans quelques grandes villes. Oui, c'est vrai, mais pas dans toutes les grandes villes. Et en fait, j'estime que la circulation du livre en province était assez libre. Par exemple, à Marseille, il y avait des problèmes. Et un agent qui écrit à une maison d'édition dont on va parler a dit « L'inspecteur de la librairie à Marseille est un de ces hommes qui, pour se faire un plat, mangerait son frère. » Donc il y avait une certaine répression. Mais il faut dire que à Marseille, on vendait un peu de tout. Le libraire Mossi était spéculé sur les livres les plus audacieux et il était très intelligent, donc il savait gagner de l'argent en vendant de tout. Même chose ailleurs, à Besançon, notamment. À Besançon, il y a 16 libraires. Énormément. C'était, pour le livre, une sorte de capitale importante. Et l'intendant de Besançon était partisan des Lumières. Il était prêt à laisser passer pas mal de balles de livres, etc. Donc, je vois une France provinciale baigné dans les livres. Alors la haute administration est peureuse, vous venez de le dire, aux idées des Lumières. Enfin, elle tente de réagir à plusieurs moments. Il y a deux moments que vous situez dans votre livre, 1778-1783, mais ce n'est pas suffisant pour tout contrôler, d'autant que l'approvisionnement en livres piratés, oui, ou en livres prohibés, ou en livres normaux, vient d'un croissant fertile avec plusieurs passages de frontières. Pays-Bas, Rouen. Oui. Par la mer. Oui. La Méditerranée aussi. Oui, parfois à Sète, à Marseille, c'est vrai. Mais la Suisse. Ah, la Suisse. je vois une sorte d'avenue importante entre Genève et Lyon. Il est vrai qu'on contrefaisait pas mal de livres à Lyon, mais Genève, c'était magnifique, une grande industrie, sans parler de Lausanne, de Berne et de Neuchâtel. Alors, Neuchâtel, Lausanne, Berne, ce sont les sièges de sociétés typographiques. Et celle de Neuchâtel, pour vous, c'est un véritable massif, parce qu'elle a gardé ses archives. Et depuis 1965, par la face nord, par la face sud, seul ou encordé, vous travaillez sur le massif d'archives de la société typographique de Neuchâtel. Oui, absolument. Je n'en ai pas souffert. Hein. Ouais. C'est une très belle ville avec le lac, le Jura, etc. Et les archives les plus magnifiques qu'on puisse imaginer. Alors c'est une principauté qui est sous lointaine suzeraineté de la Prusse. Oui. On fait un peu ce qu'on veut. À peu près ce qu'on veut. Il y avait une certaine censure, mais très faible, à Neuchâtel. Et comme on exportait les livres, le régime neuchâtelois s'en fichait. Alors, il y a des patrons associés dans cette société typographique. Bon, c'est des gens, je ne sais pas s'ils sont si sensibles que ça, aux lumières ou au contenu des livres. Enfin, ils aiment bien, dit l'un d'entre eux, tenir ma tartine beurrée entre le pouce et l'index. Oui. Pour manger confortablement l'argent. Oui. Il ne fallait pas mettre plus de beurre que de pain, etc. Donc, je les vois comme des piliers de la société neuchâteloise. Le chef de la société typographique de Neuchâtel s'appelait Samuel Frédéric Osterwald. C'était un bon bourgeois, assez aisé, il avait des vignes, il sortait en calèche, il était très loin d'être un pirate. Et comme vous le savez, il n'y avait pas de copyright international à cette époque-là, même l'idée du copyright, du droit d'auteur n'existait pas en France, puisque c'était le privilège du roi qui réglait le marché. Alors, pour les bons bourgeois suisses, réimprimer des livres à succès en France, c'était parfaitement légal, et d'ailleurs une bonne chose, il y avait de beaux bénéfices. Alors, si vous voulez explorer tout un chacun les archives de la société typographique de Neuchâtel, le site robertdarnton.org, où avec toutes sortes d'assistants chercheurs, on dirait les commis dans la librairie d'autrefois, vous proposez tout un choix d'informations. Et dans votre livre, là, le livre de papier chez Gallimard, vous racontez la vie pendant plusieurs mois de 1778 sur un chemin qui va faire quelques 2000 kilomètres d'un commis de la société typographique qui s'appelle Jean-François Favargé et qu'on envoie emprunter l'avenue de la frontière. Oui. Enfin, l'avenue. Oui, l'avenue, c'est beaucoup dire. Hein. C'était des chemins plutôt difficiles. Il fallait monter dans le Jura, etc. Descendre le Rhône, traverser le Midi, revenir par Bordeaux, ensuite Orléans, Dijon, jusqu'à Besançon. Donc un long voyage. Mais on ne savait pas qu'il existait des commis voyageurs au XVIIIe siècle. J'en ai trouvé beaucoup. Et ils se croisaient chemin faisant, ils se racontaient des histoires. Et ce Jean-François Favargé, je le trouve très honnête, jeune homme, suisse, protestant, sobre. Et en France, il était chez l'étranger. Donc son rôle était à la fois de vendre des livres, de faire payer des lettres de change et d'espionner, de flairer la demande. Et son carnet de voyage que j'ai trouvé dès le début est un document délicieux où il raconte ses aventures. Il circule à cheval, il oui. épuise d'ailleurs un premier cheval, il doit en acheter un second, il lui arrive de circuler à pied dans les couloirs de la frontière à Pontarlier, par exemple. Alors, une question comme ça, un peu simple, que nous nous sommes posés avec Franck Olivard qui préparait cette émission, est-ce que c'est au fond quelqu'un qui ressemble au colporteur, enfin au colporteur de notre imaginaire ? À ta voilée feront tomber tous les despotes succombés et l'univers te bénira. Alléluia. Achetez mes chansons, achetez mes mouchoirs. Tenez, jeune homme, un beau bonnet pour la promise. Pas cher à 20 sous, un beau bonnet 20 sous. Non ? Tant pis pour la promise. Le petit colportage s'exerçait à l'échelon local. Des petits marchands roulants fournissaient merceries, bimbloteries et accessoirement des almanachs. Le moyen colportage proposait les mêmes articles aux habitants des campagnes. Les grands colporteurs, enfin, qui dominaient de haut le marché du livre et de l'imagerie populaire, sillonnaient le pays en tous sens, et souvent dès l'enfance. Ma bonne dame, de beaux livres, de belles images. Ah, en fait, il y avait environ 150 imprimeurs-libraires qui éditaient les livres de la Bibliothèque Bleue. Au XVIIIe siècle, le noyau de titres proposés aux colporteurs portait sur 450 ouvrages différents. Ce noyau n'a cessé de grandir jusqu'en 1860. Vous aurez reconnu, vous qui êtes familier avec les grandes voix françaises, celle d'Emmanuel Riva. Alors, elle parle de la Bibliothèque Bleue, ça, c'est depuis le XVIIe siècle, des livres populaires, brochés, tout simples. C'est pas ce que propose notre ami Favargé. Encore que vous décrivez la capillarité de tout le système de l'imprimé en France, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il peut lui arriver d'avoir des contacts avec des colporteurs, enfin des colporteurs à fourgon, avec des pas des colporteurs ordinaires, coureurs à pied. Non, pas à pied. Il se déplaçait à cheval, avec parfois un chariot, une voiture derrière chargée de livres, etc. On les appelait souvent marchands forains, et ils vendaient des livres en roulant par la France, comme on disait. Mais on les appelait aussi colporteurs. Et j'en ai trouvé des, je ne dis pas des centaines, mais plusieurs douzaines de ces colporteurs. J'en parle dans un chapitre où... Dans le Poitou, à Loudun. À Loudun. Et j'étais surtout fasciné par un certain Noël Gilles, dit La Pistole. Alors lui raconte sa vie, puisqu'il a été arrêté par la police, il est interrogé, plus tard il a fait faillite, on trouve des renseignements dans les archives des faillites dans le département de la Seine et sa correspondance avec la société typographique de Neuchâtel. Un des points communs entre les colporteurs, parfois sans domicile, et les libraires établis dans une boutique, et que visitent systématiquement ville après ville Favargé, c'est qu'ils sont tous quand même dans une situation économique fragile. Très fragile. Je trouve des faillites un peu partout. Et c'est d'ailleurs assez émouvant. J'ouvre un dossier, je suis la correspondance et à la fin, une lettre d'un voisin, d'un négociant a laissé les clés sous la porte. Disparu pour la Russie. S'est enrôlé dans l'armée. Et il est allé à la guerre d'Amérique. Donc, ce sont des gens qui quittent leur famille, qui laissent les enfants, les femmes, etc. Puisque... Les femmes. Vous insistez beaucoup sur les femmes. Alors, il y en a qui partent à la cloche de bois en laissant la femme. Il y en a d'autres dont la femme, devenue parfois veuve, continue à gérer la boutique et les comptes. Très important, les femmes. Très importante, notamment à Paris, puisque les veuves avaient une sorte de secteur à part dans la communauté des libraires et des imprimeurs de Paris. La fragilité, elle tient au fait que l'approvisionnement n'arrive pas, s'il a été interrompu par des contrôles, surtout les liquidités. Les liquidités manquent. Ah oui. C'était d'ailleurs une société sans argent dans notre sens du mot. Ils avaient des oboles, ils avaient des écus, etc. Mais la livre tournois, qui était un livre de compte, il n'y avait pas de monnaie qui correspondait au livre. Je vois une soif pour l'argent comptant et une véritable crise à la veille de la Révolution. Qui a touché même la société typographique. Qu'est-ce que vous seriez devenu, Robert Darnton, si elle avait fait, elle l'a manqué de peu, faillite en 1783. Mais alors que vendent-ils ces libraires qui cherchent constamment à ajuster l'offre et la demande? Alors c'est un rituel, quand vous venez à la marge de l'histoire, on vous fait entendre Hélène Delaveau, une de vos amies françaises, oui, dans son registre préféré, peut-être la chanson libertine. Sur le boulevard, je l'ai traversé. Dans un sachet, tu faisais passer. Avec un sourire, tu me dis de la place. Ça vous plairait-il que je vous en menace? Bref, je suis monté sans savoir pourquoi. Tu m'as emmené jusqu'au fond du bois. Tu m'as pris la main sans que je prenne la bouche. Tu m'as pris les cheveux, tu m'as pris la bouche. Dans ces conditions, dame, c'était fatal. Il y avait bien des chances pour que ça tourne mal. Tu m'as possédé par surprise. Et j'ai l'impression que j'ai dû faire une bêtise. Certes, j'aurais dû dire non, non, non, non, non, non. Mais voilà, j'ai dit oui, oui, oui, oui, oui, oui. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Qu'y a-t-il, mademoiselle? Oh, William, j'ai une horrible crampe à mon mollet. Fermez la porte et venez par ici. Oh. Que dois-je faire, mademoiselle? Oh, et voyons, frictionnez-le, William. Quoi d'autre? Enlevez mon soulier et mon bas. Allez, frictionnez avec vos mains. Comme ceci, mademoiselle? Oh. Oh, je commence à éprouver du soulagement. Oh. Oh. Oh. Un peu plus haut, William. Oh, c'est ça. En voilà une qui n'est pas prise par surprise. C'est Fanny Hill, l'héroïne d'un livre anglais de Cleland qui a été traduit sous le titre Une fille de joie. Dans la période qui nous intéresse avec vous, Robert Darnton, la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors on se dit, ça y est, Darnton, on adore tous ces livres sur les pamphlets sexualisés, sur la littérature scabreuse, Dombé, portier de Chartreux, la religieuse en chemise, etc., etc. Il va encore nous dire que c'était un courant absolument dominant, continu, pendant toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Non, je ne suis pas d'accord avec... Je ne suis pas de mon avis. Vous n'êtes plus d'accord avec vous? Non. C'est-à-dire qu'il y avait, certes, ce courant qui était grivois, contestataire, important, très apprécié, mais dans ce livre, je me suis efforcé de mettre cela dans la perspective de l'ensemble de la diffusion des livres. Je constate donc que oui, la vie privée de Louis XV, Dombé, portier des Chartreux, ça se vendait très bien, mais ce n'était qu'une partie très petite, très réduite de l'ensemble. Alors, mon idée, c'est de recréer, de savoir ce que c'était que la demande littéraire dans tous les genres. Les libraires, ils disent souvent à la société typographique de Neuchâtel, vous nous avez livré trop tard, c'est passé de mode, j'en donnerai plus 10 sous maintenant. Cela arrivait très souvent, mais c'était aussi un prétexte pour ne pas payer les lettres de change. Mais il faut quand même faire très attention aux lettres des libraires, parce qu'ils parlent de la demande littéraire, et souvent, ils commandaient les livres après les avoir déjà vendus à leurs clients. Donc, ce jeu de l'offre et de la demande, on peut le cerner de près. Donc, le client passe commande, le livre, il va arriver, il n'est même pas relié le plus souvent. C'est le libraire qui va le relier. Très rarement, c'est le libraire. Normalement, les livres sont envoyés en feuilles dans de grandes balles qui devaient peser au-delà de 50 poids et qui pesaient souvent 400 livres. Alors, parmi les long-sellers, les livres, un genre de livre qui demeure, parce qu'on était curieux dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on voulait s'informer sur l'extérieur, le récit de voyage. Oui, les récits de voyage étaient très appréciés. Bougainville, Cook, bien d'autres. Bridon, que vous ne connaissez peut-être pas, qui a fait un voyage à Malte, en Sicile, très apprécié des lecteurs de cette époque-là. La Pérouse aussi. Mais les livres, les récits de voyage étaient aussi une sorte d'anthropologie avant la lettre. Et le grand public était fasciné par cela. À moins que, par les récits de voyage, on ne parle d'autre chose. Je vous propose d'écouter deux échos de livres importants. Le premier, Marmontel. Marmontel, c'est la dernière génération des Lumières, plus jeune que Voltaire Rousseau, qui meurt en 1778. Et c'est lu par une grande voix française, Alain Cuny, un livre sur les Incas. Marmontel, les Incas. Pizarre, indigné, rebuté, las de lutter contre le crime, après avoir chargé de malédictions ses exécrables assassins et leurs partisans fanatiques, se retira dans la ville des rois, Lima, qui commençait à s'élever. La licence, le brigandage, la rapacité furieuse, le meurtre et le saccagement furent sans frein. L'on ne vit plus, sur la surface de ce continent, que des peuplades d'Indiens tomber en fuyant dans les pièges et sous le fer des Espagnols. Des bords du Mexique arriva ce même Alvarado, cet ami de Cortés, ce fléau des deux Amériques. Rival des nouveaux conquérants, il vint se jeter sur leur proie et s'assouvir d'or et de sang. Dans toute l'étendue de cet empire immense, tout fut ravagé, dévasté. Une multitude innombrable d'Indiens fut égorgée, presque tout le reste enchaîné à la périr dans les creux des mines et envia mille fois le sort de ceux qu'on avait massacrés. Je me demande quand même si Marmontel, là, ne parle pas d'autre chose encore que du despotisme espagnol. Si c'est pas autre chose qu'un simple récit historique et géographique. C'est mon sentiment, c'est mon impression, et aussi dans cet autre livre, Bélissère, le thème était le despotisme également. Et ça, on le laisse passer, la censure à Paris l'a laissé passer, ce livre ? La censure, non. C'est-à-dire que il y avait des permissions tacites où on laissait passer mais sans censurer les textes. Et Marmontel était assez toléré à cette époque-là. D'ailleurs, il connaissait très bien la société typographique. Il a dîné avec Osterwald, le directeur de la société, et eux, ils voulaient l'imprimer directement en Suisse. Ça n'a pas marché, mais ils se connaissaient très bien. Alors, comment faire comprendre la césure, si on a une, entre le toléré et le prohibé. Deuxième récit, histoire philosophique de l'abbé Raynal, histoire philosophique d'un voyage en Inde ? Un voyage, vraiment ? Non, mais Raynal traitait de tout le globe. Enfin, il était... Il s'intéressait à tout avec Diderot, qui a écrit à peu près 20% du texte. Le moment approche où la raison, la justice et la vérité vont arracher des mains de l'ignorance et de la flatterie une plume qu'elles n'ont tenue que trop longtemps. Tremblez, vous qui repaissez les hommes de mensonges ou qui les faites gémir sous l'oppression, vous allez être jugés. Il faut que tôt ou tard la justice soit faite. Si j'en arrivais autrement, je m'adresserais à la populace. Je lui dirais, peuple, dont les rugissements ont fait trembler tant de fois vos maîtres, qu'attendez-vous? Pour quel moment réservez-vous vos flambeaux et les pierres qui pavent vos rues? Arrachez-les. Ah, c'est un appel. C'est fort, la révolution. C'est fort, oui, oui. Et alors là, c'est prohibé. Tout à fait. Le livre a été brûlé au pied du grand escalier du Parlement de Paris en 1781. Reynal a dû s'enfuir. Il est allé en Suisse, en Belgique, ce qu'on appelle Belgique aujourd'hui. Il était célèbre comme victime du despotisme. Et d'ailleurs, son livre était un best-seller incroyable, mais en 8 volumes, finalement, c'était un œuvre très importante. Comment donc une industrie dont le but est d'abord l'argent apporte-t-elle des livres aux lecteurs quand une telle liberté semblerait impossible? Eh bien, la demande existait. La France voulait lire. Je dis la France, c'est une certaine France, bien sûr, d'élite, je veux bien, mais quand même, c'est le début du grand public et il fallait satisfaire la demande. Ça ne pouvait pas se faire à Paris, ça se faisait dans ce croissant fertile dont j'ai parlé et on voulait gagner de l'argent, tout simplement. Il y avait aussi beaucoup d'avantages d'imprimer en Suisse. Oui, mais ils ne savaient pas ces Suisses. Je vous coupe la parole parce que vous adorez ça. Dites-vous, ils ne savaient pas ces Suisses ce qu'ils faisaient. Ah, ils savaient parfaitement qu'ils allaient satisfaire la demande, mais ils n'avaient aucune idée, bien sûr, qu'une révolution serait, je ne dis pas le résultat, direct, mais indirect, oui. Le monde du livre avant la Révolution, votre livre chez Gallimard, qui dresse précisément, reportez-vous à ce livre, chers auditeurs, la liste des best-sellers, si on peut employer ce mot-là. Le best-seller absolu, c'est 2440 de Louis-Sébastien Mercier, l'auteur des Tableaux de Paris. Et c'est, oui, c'est une sorte de d'utopie qui présente une architecture idéale à la Rousseau pour 2440. En sortant de chez moi, je vis une place publique qui m'était inconnue. On venait d'y dresser une colonne pyramidale qui attirait les regards des curieux. J'avance et je lis très distinctement l'an de grâce 2440. Ces caractères étaient gravés sur le marbre en lettres d'or. Tout était changé. Tous ces quartiers qui m'étaient si connus se présentaient à moi sous une forme différente et récemment embellie. Je me perdais dans de grandes et belles rues proprement alignées. J'entrais dans des carrefours spacieux où régnait un si bon ordre que je n'y apercevais pas le plus léger embarras. Je n'entendais aucun de ces cris confusément bizarres qui déchiraient jadis mon oreille. Je ne rencontrais point de voiture prête à m'écraser. L'an 2440, rêve s'il en fut jamais. 2440 tel qu'il était vu avant 1789 à la technique Clément Berman, la réalisation Audrey Ripouille, la préparation de cette émission, c'était Franck Olivard.